c'est un tic de t'aimer à l'oblique. Dans mon circuit mal imprimé, tout devient toujours compliqué. Mon amour, c'est l'enfer de t'aimer de travers. Dans mon circuit de bobsleigh, encore une fois, tout se dérègle. Ça cogne dans mon plexus. Mon cœur est une montagne russe. Il y a toujours une raison en plus pour te faire poireauter des lustres. Rien ne s'accorde, rien ne s'ajuste. Mon cœur est une ça descend dans mes loops et mes loopings. Je dévale la courbe sinusoïde. Mon amour, ça dépend du train-train du moment. Quand ça déraille de ses gonds, décrochage de mon wagon. Et ça cogne dans mon plexus. Mon cœur est une